Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de course automobile avec notre ami Bertrand Godet. Salut Bertrand. Hey, bon matin. Bertrand, on va parler d'abord évidemment de Lewis Hamilton, 91e victoire en F1, il égale Michael Schumacher. Dans l'histoire de la F1, on va retenir quoi de Lewis Hamilton? C'est la question que je me posais ce matin. Est-ce que Michael Schumacher, il était très très bon parce qu'il a amené Benetton à un autre niveau, il a amené Ferrari à un autre niveau. Ayrton Senna, c'est un petit peu la même affaire. Mais dans le cas de Lewis Hamilton, je me trompe-tu en disant que, écoute, tu peux pas être un mauvais pilote avec 91 victoires, mais à quelque part, il était à la bonne place au bon moment aussi. Ah ben ça, c'est l'histoire de tous ceux qui ont battu des records, surtout en sport automobile, où t'as pas le choix d'avoir du bon matériel, sinon t'es pas capable vraiment de le compenser, ce matériel-là. Tu sais, si on remonte dans les années 60-70, eh bien, il y avait plusieurs pilotes qui disposaient à peu près d'une mécanique identique. Donc, ce qui faisait en sorte que les batailles étaient féroces. Ouais. Et puis, en même temps, ben c'est certain que c'était plus difficile d'aller chercher des victoires à répétition. Lorsqu'on pense que Gilles Villeneuve, qui a marqué l'histoire de la Formule 1, a remporté seulement 6 Grands Prix, c'est pourquoi que peut-être que ce qu'on va retenir, c'est que Lewis Hamilton était un peu tout seul sur sa planète. Oui. Mais par contre, Schumacher, écoute, il y en a un autre niveau. Ferrari, il était avec Benetton également, il en a un autre niveau. T'sais, moi, il me semble qu'un écurie, qu'on juge un pilote sur ce qui amène à un autre niveau. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Ah ben tout à fait. Et puis, Michael Schumacher a été un travailleur. Il a été premièrement un gars qui a su politiquement générer des choses très positives, notamment chez Ferrari. Moi, je me souviens, dans sa première année chez Ferrari, le moteur Ferrari avait sauté, imaginez, sur le tour de chauffe du Grand Prix de France. Ouais. Et les gens voulaient la tête de Jean Todt. Michael Schumacher s'est levé, il a dit, si lui part, moi je m'en vais aussi. Et là, tout le monde s'est réuni derrière Michael Schumacher, si bien que c'est simple. Du moment où il y avait un problème ou détectait un problème sur la voiture, c'était garanti à l'époque. Les essais libres, c'était vraiment libre, là, dans le sens où les équipes pouvaient faire le nombre d'essais qu'ils voulaient. Ben, ils embarquaient dans la voiture à Fiorano, puis ils testaient du matin au soir. C'était un travailleur. Donc, c'est comme ça qu'il est allé chercher son statut de numéro un chez Ferrari. Et que les contrats qui étaient signés pour les deuxièmes pilotes, ben c'était simple. Ouais. C'est Michael qui doit gagner. Donc, les gens vont aussi retenir, malheureusement pour Michael Schumacher, l'épisode du Grand Prix d'Autriche où Barrichello l'avait laissé passer. Ouais, OK, OK. Je pensais de Villeneuve mais à Jerez en 97 également. Hier, le Grand Prix d'Eiffel, écoute, ça a été dominé par Hamilton. 4 abandons. Comment c'est causé ces abandons-là? C'est-tu parce qu'on ne court pas nécessairement souvent à ces Grands Prix-là et on a de la misère à faire les ajustements? Pour Hamilton, t'as dit? Non, mais je te parle des abandons. Je te parle des abandons. Ah, il y a quand même eu plusieurs abandons hier. Est-ce que ça veut dire? Ah oui, il y a eu plusieurs abandons. Et puis, ça, c'est quand même assez rare qu'on voit des problèmes de fiabilité. On a vu Esteban Ocon avec des problèmes de frein, Valtteri Bottas, son moteur plus puissance, Lando Norris aussi. Non, c'est... Ça a un lien, le fait qu'on court pas beaucoup? Ben oui, ça peut avoir un lien. En même temps, ben c'est certain qu'il faut voir où ils en étaient rendus avec l'utilisation des moteurs, parce qu'on sait que bon, ils n'ont pas le droit de changer de groupe motopropulseur après un certain temps seulement. Est-ce que, bon, on arrivait à la limite? Ben c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je vais essayer de retrouver sur Internet éventuellement là, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. OK. Alex Labbé en fin de semaine, ça a été vraiment une performance exceptionnelle, cinquième position dans la deuxième division de NASCAR. Écoute, ce gars-là roule avec un budget très limité. Encore une fois, il faut dire chapeau à ce gars-là. Ben écoutez, top 5, quatrième à Charlotte sur le circuit routier, faut le dire, ouais. Avec une pluie torrentielle. Alex Labbé qui est parti 16e est remonté de brillante façon. À un moment donné, a perdu le contrôle de sa voiture sur une flaque d'eau parce qu'il y en avait vraiment épais. Et puis, heureusement, il a pas endommagé sa voiture dans ce tête-à-queue. Et puis, Aurélie est arrivé en quatrième position, ce qui est vraiment une excellente nouvelle, puis une très belle performance d'Alex Labbé, qui, on le sait, est dans nos top pilotes, si on veut, au pays. Et donc, pour lui, ben j'espère que ça va lui ouvrir des portes, tout comme ben la victoire de Raphaël Lessard il y a deux semaines. Mais dans le cas de Labbé, quelque part, c'est une question de budget, j'espère, honnêtement. Mais le fait que c'est un circuit routier, est-ce que ça peut l'avoir avantagé? Ah ben c'est clair, parce que bon, Alex Labbé a une bonne expérience des circuits routiers. C'est toujours très bien comporté et capable de tourner autant à gauche qu'à droite, comme on dit. Ouais. Et donc, ce qui fait en sorte que on pouvait s'attendre à ce genre de performance-là de sa part. En plus, avec des conditions vraiment exécrables, il s'est vraiment démarqué là, comme étant un pilote de pointe dans ces conditions-là. OK. Bertrand, gros merci. Au plaisir de se reparler. On va se reparler un autre tantôt de F1. Ben merci. Voilà notre ami Bertrand.